Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Le frère manager. Duku manager. Ainsi que son épouse, la sœur Marie. Pamoja na mke wake. La sœur Marie. Dada Marie. Vous ont tous salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bari misalimia bote mujina ya Bwana Yesu Kristo. Ils étaient ici depuis avant-hier. Bali kuja umu tangia juzi. Pour un séjour bref. Ilikuwa tu ma sakidoko. Et hier j'ai oublié de vous transmettre les salutations. Jana mirisabu kumipelekea ma salamu yabo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Dans Daniel au chapitre 9. Daniel sura ya kenda. Verset 24. Éternel des armées. Wa milele wa majesi. Toi tu es notre père. Wewe uko baba yetu. Tu es notre espoir. Weye njo tumaini yetu. Tu es notre solution. Na we njo jibu yetu. Tu es l'unique bénédiction que nous avons. We njo baraka tu moja ile tuko nayo. Et la joie de nos cœurs. Na fura ya moyo yetu. Toi seul tu es notre vie. We peke njo bushima yetu. Parce que tu nous as accordé le salut. Kwani ulitupatia wokovu. Dans les termes d'homme. Mumisemo ya bantu. Nous n'avons pas de terme pour exprimer notre gratitude. C'est pourquoi nous disons merci Seigneur. Je te recommande ce peuple entre ta main. Ils sont venus ici pour nourrir leurs âmes. Toi seul tu es capable de le faire. C'est pourquoi ferme mon intelligence. Mets sous ma langue de simples paroles. Qui peuvent leur faire comprendre les mystères du royaume. Ils se sont rassemblés ici parce qu'ils ont des problèmes. Réponds à chacun d'eux. Selon le désir le plus profond de son cœur. Merci Seigneur. Asante Bwana. Bénis tous les conducteurs de cette assemblée. Ubariki biongozi biote bia hii kanisa. Chaque frère et chaque sœur. Kila nduku na kila dada. Qui travaille pour son avancement. Ule wanatumika juu ya maendeleo ya hii kanisa. Seigneur, souviens-toi d'eux. Bwana umukumbuke. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous te recommandons ce service. Tunakuachia hii kazi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina ya Bwana Yesu Christ. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Daniel 9. Daniel sura ya 9. 24. Mstari wa 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Majuma 70 iliwekwa yulu ya taifa yako. Et sur ta ville sainte. Na yulu ya mji yako takatifu. Pour faire cesser les transgressions. Jia kusimamisha kuvunja kwa sheria. Et mettre fin au péché. Na juu ya kumaliza zambi. Vous pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Nous avons montré depuis hier. Tangia jana tulionesha. Que le premier but de la visite de l'ange Gabriel à Daniel. Ya kwamba kifuguzio ya kwanza kinyewe Daniel, malaika Gabriel alimtembelea Danieli. C'était d'aller expliquer au bien-aimé de l'Éternel. Ilikuwa juu ya kwenda kumfasilia huyu mpendwa wa milele. Que peu importe ce qu'Israël a fait. Ya kwamba aizuri kitu kyote kile Israël alifanya. Malgré ses multiples transgressions. Hata vile kwa na wingi ya kuvunja kwa sheria. Moi Dieu dans ma miséricorde, mi Mungu murema yangu, je reviendrai vers eux pour les sauver. Ta rudia tena kwao juu ya kuwaokoa. C'est vrai, ils ont mal fait. Bia kweli balitenda mbaya. Mais j'ai une alliance éternelle avec leur père. Alakini mi Mungu anafanya nabo agano ya milele na baba yabo. Moi Dieu, je respecte ce qui est sorti de ma bouche. Mi Mungu nikuneshimia kile kilitoka mukinywa yangu. Je reste fidèle à ma parole. Ninabakia mwaminifu kuneno langu. Peu importe leur infidélité, je ne peux pas me ressembler à eux. Mimi siwezi kufanana nao. C'est pourquoi je tiendrai mon serment. Jokomana mimi nitashimia kiapo yangu. Et leur transgression na kuvunja kwabo kwa sheria sera certainement arrêtée. Hakika kutasimamishwa. Quand le jour viendra siku itakuja où ils ne commettront plus ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Mule abatatenda tena ile balifanya. Le temps viendra wakati kunakuja lorsqu'ils naîtront de nouveau wakati ile watazalika mara ya pili, ils recevront le Saint-Esprit watapokea Roho Mtakatifu, la transgression se sera kuvunja kwa sheria kutasimama. Je leur avais dit naliwaambiaka de ne pas adorer d'autres dieux en dehors de moi, ya kwamba basiabudu miungu zingine isipokuwa mimi. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Lakini njo ile balifanya. Mais en dehors de tout cela, inje ya ile yote, je les pardonnerai. Minta basamehe. Le deuxième objectif de la visite de Daniel, de la visite de l'ange Gabriel à Daniel, c'était de mettre fin au péché d'Israël. Il kwa juu ya kumaliza zambi ya Israeli. C'est le deuxième point. Finir, en finir avec le péché d'Israël. Manake kumalizana na zambi ya Israeli. Où est-ce qu'Israël a-t-il péché? Ni fazi gani kule Israeli alitenda zambi? Où les Juifs ont-ils commis le péché mortel, un péché? Ni fazi kani bayuda balitenda zambi ya kufa. C'est où les Juifs se sont séparés de leur Dieu. Ni le fazi bayuda baliachana na Mungu wabo. Les Juifs ont commis un péché mortel, un péché fatal. Bayuda baritenda zambi ya mbaya na zambi ya kufa. Et ils se sont séparés de leur Dieu. Na balizitenga na Mungu wabo. C'est au tribunal du gouverneur Pilate. Ni kuile fazi kulikuwa baraza ya hukumu ya ule liwali Pilate. Qu'est-ce qui est arrivé? Ni mambo kanilifika. Au tribunal du gouverneur Pilate. Ule kubaraza ya hukumu ya huyu liwali Pilate. Dans Matthieu au chapitre 27. Matayo sura makumi mbili na saba. À partir du verset 15. Kuanzia mstari ya kumi na tano. Jusqu'au verset 25. Kufika na makumi mbili na tano. Nous lisons. Tukunasoma hivi. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qu'est demandé la foule. Kukila karamu, liwali alikuwa na zoezo ya kuachilia mfungwa mmoja ule kundi ya watu walikuwa na muomba. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Balikuwa basi na mfungwa mmoja mwenye kujulikana kabisa jina lake Barabasa. Comme ils étaient assemblés, Kama vile walikusanyika. Pilate leur dit. Pilate akawauliza. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Ni nani ule mnapenda basi nimiachilie yeye? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Eti ni Barabbas wala ni huyu Yesu banaita Kristo? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Kwani alijua ya kwamba ilikuwa tu ni kwa bwivu njo pale walimtoa Yesu. Pendant qu'il siégeait au tribunal, wakati ile alikuwa nasambisha mule mbaraza ya hukumu, sa femme lui fit dire, bibi yake akamtumia ujumbe, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Kusikwe mambo katikati yako weye na huyu mtu mwenye haki. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Kwani leo nariteswa sana mundoto kwa ajili yake. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Bakwani bakubwa na baze baka subutisha kundi ya watu ya kwamba bapate kuomba. Le gouverneur prenant la parole leur dit, liwali akachukua sauti na kusema, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ni nani kati ya wa wawili ule munapenda nimiachilie yeye? Il répondit, Barabbas. Wakajibu wote ya kwamba muachilie Barabbas. Pilate leur dit, Pilate akawambia, que ferez de ce Jésus qu'on appelle Christ? Sasa, kwa ajili ya huyu Yesu banaita Kristo, ntafanya naye nini? Tous répondit, bote wakajibu, qu'il soit crucifié. Apate kusulubishwa. Le gouverneur dit, liwali akasema, mais quel mal a-t-il fait? Basi, yeye nikitu kanikibaye kila alifanya. Et il crièrent encore plus fort, bakalalamika tena na sauti ya nguvu, qu'il soit crucifié. Asulubishwe. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, Pilate aliona ya kwamba shikupatie mufaida, mais que le tumulte augmentait, na makelele iliongezeka, prit de l'eau, akachukua maji, se lava les mains, akalinawa mikono, en présence de la foule et dit, muwepo ya kundi ya watu na kusema, je suis innocent du sang de ces justes. Mimi sina na mambo na hii damu ya mtu mwenye haki. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Damu yake ituangukie sisi na yangukie watoto yetu. Alors Pilate les relâcha Barabbas. Na kisha Pilate akabatoshea Barabbas. Et après avoir fait battre des vergers Jésus, kisha kumpikisha Yesu mafimbo, il les livra pour être sacrifié. Na akamtoa Yesu ili apate kusulubishwa. Au tribunal du gouverneur Pilate, ule kubaraza ya hukumu ya huyu liwali Pilate, les Juifs, Bayuda, Israël, Israël mzima, a péché, alitenda zambi. Il n'a pas seulement péché, asikutende zambi tu, il a commis un péché mortel. Alitenda zambi ya kufa. Il n'a pas seulement péché. Asikutende zambi bule. Il s'est séparé de son Dieu. Alijitenga na Mungu wake. Mais l'ange Gabriel dit. Alakini malaika Gabriel yeye anasema. Les 70 semaines sont fixées, majuma makumi saba iliwekwa, sur Israël et sur la ville sainte, yulu ya Israël na yulu ya mji takatifu. C'est pour faire cesser les transgressions, ni juu ya kusimamisha kuvunja kwa sheria, et pour mettre fin au péché, na juu ya kumaliza zambi. Quel est le péché? Ni zambi kani? Que Dieu mettra, quel est le péché d'Israël? Nizambikani ya Israeli? Que Dieu, auquel Dieu mettra fin? Inye Mungu atamaliza. Comme vous le savez, paka vile munaijua, le péché, c'est l'incrédulité. Zambi ni kutokuamini. Israël attendait son Messie. Israël alikuwa anangojea Masia wake. Ils ont vu même le précurseur du Messie. Baliona hata na mtangulizi mwenyewe wa Masia. Et Jean-Baptiste leur disait, derrière moi, nyuma yangu, il y a quelqu'un qui m'a précédé, et cet homme-là est plus grand que moi. Je suis indigne mimi si staili de délier ses souliers. Ya kufungua ta kamba ya viatu yake. Mais quand lui viendra, alakini yeye wakati atakuja, c'est lui qui vous baptisera ni yeye atanibatiza du Saint-Esprit na Roho Mtakatifu et de feu na moto. C'est lui qui devait mettre fin yeye ndio alipashi kumaliza à la transgression uovu yabo zambi yabo. Et quand Jésus est arrivé, wakati Yesu yeye alikuja, il a marché dans la voie alitembea munjia dans laquelle les Écritures avaient déjà annoncé. Munjia ile maandiko ilikuwa naisha tangulia kutangaza. Il avait vécu aliishi comme les Écritures paka vile maandiko l'avait annoncé depuis l'Ancien Testament. Ili tangaza katangia agano la kale. Lorsqu'il il a vécu sur la terre, wakati aliishi pa dunia, en Israël, mu Israeli, il a accompli alitimiza tout ce que leur Messie, ile yote Masia wabo, devait accomplir. Alipashi kutimiza. Mais malgré cela, ata vile biote, Israël n'a pas vu que c'était leur Messie. Israël ashikutambue ya kwamba alikuwa ndio Masia wabo. Bien que les signes du Messie, ata vile maalama ya Masia, leur étaient montrés. Bali baonesha yo. Même la femme, la prostituée, la femme samaritaine, ata ule mwanamke mkaaba msamaria, qui était un élu, ule alikuwa mteule, avait vu en Jésus, alionaka ndani ya Yesu, les signes du Messie, maalama ya Masia. Lorsqu'il dit, wakati anasema, je sais, mina jua. Comment il a su? Alijua namna gani? Se passe dans leur synagogue. Kwani ndani ya synagogue yao. On leur enseignait les signes. Balikuwa nabafundisha maalama. Qu'accomplirait le Messie lorsqu'il il viendrait. Il itatimiza Masia wakati il atakuja. Et lorsque la femme, wakati ile mwanamke, cette prostituée, ule mkaba, a vu que son péché, ses péchés, aliona ya kwamba, les plus cachés de son cœur furent dévoilés. Dhambi yake alificha moyo ilifumbulika. Elle comprit. Alielewa. Sur base des écritures. Juu ya maandiko. Qu'un homme naturel ne peut pas découvrir le fond de mon cœur. Il a reconnu le Messie. Il est allé même chercher des gens dans la ville pour les dire, venez voir cet homme qui m'a tout dit. N'est-il pas le Messie? Il avait tout fait. Non, le Messie, avait, Jésus avait tout fait. Jésus alifanya yote Masia. Le signe qu'il annonçait. Maalama ile ilikuwa namtangaza. Mais voilà qu'Israël. Alakini moneni sasa Israeli. Dans son incrédulité. Mukoto kuamini kwake. Il le rejeta. Akamkata Masia. L'incrédulité, frère. Kutokuamini ndugu yangu. N'est pas une bonne chose. Haina kitu kizuri. Beaucoup de frères. Banduku mingi. Beaucoup de sœurs badada mingi iront en enfer, bataenda mumoto, les autres dans la tribulation, wengine mu mateso makubwa, à cause de leur incrédulité, kwa ajili ya kutokuamini kwabo. Quand un homme s'est déjà conçu quelque chose qui vient de lui, wakati mutu anatunga kitu kya kutokea kwake yeye mwenyewe, et qui veut la justifier avec la parole de Dieu, na anapenda ajihesabie haki kupitia neno la Mungu, il veut couvrir ses pensées, anapenda kufunika avec la parole de Dieu, na neno la Mungu, il rejetera, atakatala ce que Dieu fait, kile kyote Mungu yeko nafanya. Il sera incrédule atakuwa wa kutokuwa à ce que Dieu fait. Ile Mungu yako nafanya. Le véritable péché, dhambi ya kweli, c'est l'incrédulité. Ni kutokuamini. Voler, kuiba, n'est pas un péché. Aina dhambi. commettre adultère. Ce n'est pas ça le péché. S'habiller indécemment. Ce n'est pas ça le péché. Tuer quelqu'un. Injurier. Battre quelqu'un. Haïr quelqu'un. Ce ne sont pas des péchés. Toutes les choses sont les fruits du péché. Ni matunda ya zambi. Le péché lui-même, zambi yo inyewe, c'est l'incrédulité. Ni kutokuamini kukatala kwa nini. Wakati mtu anaamini, il ne peut pas commettre l'adultère. Hawezi kutenda bushara. Il ne peut pas haïr. Hawezi kuchukia. Il ne peut pas voler. Hawezi kuiba. Il ne peut pas tuer. Hawezi kuua. Il ne peut pas calomnier. Hawezi kusingizia. Il ne peut pas s'habiller indécemment. Hawezi kuvala vitu ya kukosa heshima. Nous faisons ces choses. Tuko nafanya bile vitu vyote. Qui sont contraires à la volonté de Dieu. Yenye kwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Parce que nous ne croyons pas. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Atuna na Roho Mtakatifu. Parce que nous ne croyons pas. Je crois mana atuamini. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Atuna na Roho Mtakatifu. Pêche. Eko natenda zambi. Il est incrédule. Eko mtu wa kutokuamini. C'est ça le véritable péché. Il est Njo Zambi ya Biakwe. Tu t'absentes à l'église. Una lofa kukanisa. Pour tes affaires. Ya makazi yako. Parce que tu ne crois pas. Ni jua uamini. Tu laisses les portes de l'église ouvertes. Acha milango ya kanisa wazi. Pendant que le pasteur prêche. Wakati pastor anahubiri. Le pasteur enseigne. Pastor anafundisha. Tu es dans ta maison. Unawakia kunyumba yako. Unaangalia regarder la télévision. Unaangalia television. Unataka s'occuper de tes affaires. Unaangaikia makazi yako. Parce que tu es incrédule. Ni kwani huku wa kutokuamini. Tu le fais parce que tu ne crois pas. Unaifanya juu auamini. Tu injuries ta femme parce que tu ne crois pas. Unamtukana mke wako juu auamini. Tu désobéis à ton mari parce que tu ne crois pas. Kumuti, bwana yako ju, tu es rebelle aux parents parce que tu ne crois pas. Ukuntombozi, kubasazi, ju, tu en vis parce que tu ne crois pas. Unatamani, ju, c'est vrai. Nikweli. Dans Jean au chapitre 16. Muyohane, sura 16. Dans son verset 9. Mustari ya tisa. Frère, Ndoku, même si on commence au verset 8, hata tukianzia mstari ya munane, et quand le Saint-Esprit sera venu, le Consolateur sera venu, wakati mufariji wala Roho Mtakatifu atakuja, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, atakikisha ulimwengu kwa yenye kuelekea zambi, la justice waki, et le jugement. Na hukumu 9. Tisa. En ce qui concerne le péché, yenye kuelekea zambi, parce qu'il ne croit pas en moi. Kwani abaniamini mimi. C'est lui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Yeye anakatala kumwamini Yesu Kristo. Est un pécheur. Ni mutenda zambi. C'est vrai. Ni kweli. Wakati mtu anakata de croire en Jésus-Christ, kumwamini Yesu Kristo, il est incrédule, eko wa kutokuamini, à tout ce que Christ fait pour son salut, pour le sauver. Kwa ile yote Kristo eko nafanya juu ya wokovu wake na juu ya kumwokoa. Et les Juifs, na Bayuda, ont vu leur Messie, baliona Masia wabo, accomplir tous les signes qui étaient annoncés que le Messie l'accomplit, les accomplirait. Mais ils ont refusé de croire. C'est là où ils ont commis le grand péché. Dans Jean au chapitre 8. Dans son verset 21, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. C'est vrai. Ni kweli. Vous mourrez dans votre péché. Mutakufa muzambi zenu. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Israël n'a pas cru. Israël a si kuamini. Que le Jésus qu'ils appelaient fils de Marie, huyu Yesu balikuwa naita mwana wa Maria, était leur Messie, alikuwa njo Masia wabo, pour les délivrer du péché, jaba kubakomboa toka zambi, pour faire arrêter leur transgression, jaba kusimamisha kuvunja kwa sheria wabo, arrêter leur incrédulité, na jaba kumaliza kutokuamini kwabo. Ils ont refusé de croire. Barikata kumwamini. Et dans leur incrédulité, Mungu kutokuamini kwabo, ils les rejetaient. Barikatala. Et choisir un meurtrier. Barimukatala na kuchagua ule muuaji. Barabbas. Barabbas. Mais cette fois-ci. Alakini sasa hivi. Selon la promesse que l'ange Gabriel, il est malaika Gabrieli, donne à Daniel, anampatia Danieli, il dit 70 semaines, anasema majuma makumi saba, ont été fixés sur Israël, iliwekwa yulu ya Israeli, c'est pour arrêter leur péché, ya kusimamisha zambi zao, et c'est pour arrêter leur transgression, na kusimamisha kufunja kwa sheria kwabo. Et cette fois-ci, apasasa, quand le Messie reviendra, wakati Masia atakuja, il mettra fin atamaliza à leur péché, zambi zao, à leur incrédulité, atamaliza kutokuamini kwabo. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Ils ont choisi les meurtriers. Bali mchagua ule muuaji. Comme 15, dans le verset 11, il est dit, mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate les relâche plutôt Barabbas. Bakubwa wakuani baka subutisha kundi ya watu ili wapate kuomba wawachirie Barabbas. L'incrédulité utokuamini vous amènera à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. L'incrédulité vous fera agir d'une manière opposée à la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé frère, dans leur incrédulité, ils ont rejeté leur Messie. Et ils ont choisi Barabbas. Mais cette fois-ci, lorsque Christ reviendra vers eux, après le départ de l'épouse, il mettra fin à leur incrédulité. Oui, bien-aimé frère. C'est au tribunal de Pilate. Nikule kubaraza la hukumu la Pilate. Qu'Israël, jokule Israeli, a commis son dernier péché. Alitenda zambi yake ya mwisho. Et c'est la raison même pour laquelle, na njo sababu yenyewe, Israël fut dispersé dans le monde entier. Israël a disambazo mulimu et jusqu'aujourd'hui, leo, il se trouve dans la désolation. Muole. Il vit dans la peur. Bekonaishi katika boka. Ils sont entourés de leurs ennemis, ils ne sont pas en paix. Banazungukwa na baadui yabo abana musalama. Ils ont commis baritenda leur dernier péché Zambi yabo ya mwisho, qui les sépara de Dieu ile rivatenganisha na Mungu, au tribunal de Pilate. Kule kubaraza la hukumu ya Pilate. Quand Jésus, wakati Yesu, a vu cela, aliona vile, dans Matthieu au chapitre 23, Matayo makumi mbili na il pleura. Yesu akalia. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Jésus s'est retrouvé avec ses disciples. Yesu alipatikana na wanafunzi wake. Ah, sur le mont des Oliviers. Pamulima ya Mizeituni. En face de Jérusalem. Mbele en face de Jérusalem. Mbele macho na macho na Yerusalema. Et quand il voit la ville de Jérusalem. Wakati ile aliona muji ya Yerusalema. Et ce qui arriverait à Jérusalem. Na ile tafikia batu ya Yerusalema. Jésus pleura. Yesu alilia. Frère, ce n'est pas loin. Aina mbali. Entre le mont des Oliviers. Katikati ya mulima. Là où Jésus a pleuré. Pale Yesu alilia. Et Jérusalem. Na mbele ya Yerusalema pana mbali. Il n'y a que la vallée de Cédron qui les sépare. Il n'y a même pas 2 kilomètres. Entre les jardins et donc les jardins de Gethsemane. Et là où Jésus a pleuré. Mais il n'y a même pas 1000 mètres. Il a pleuré. Quand il a vu ce qui arriverait à Israël, wakati, à Jérusalem. Il a liona qu'il dans Matthieu 23. Yerusalema, muja Yerusalema. Matayo makumi mbili na tatu. Verset 37, commençons par là. Mustari ya makumi tatu na saba. Nous pouvons aller jusqu'au verset 39. Tunaweza kufika hata kwa makumi tatu na tisa. Jérusalem, Jérusalem. Yerusalema, Yerusalema. Toi qui tues les prophètes. Wewe mwenye kuua manabii. Et qui lapide tous ceux qui te sont envoyés. Na unapika mawe na kuwaua. Oh, viens de voir et je voulais te rassembler. Mara ngapi nalitaka kukusanyiki kukusanyika. Oh, viens de voir et je voulais rassembler tes enfants. Mara ngapi nalitafuta kusanisha watoto yako. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Sawa kuku anakusanisha vifaranga yake. Et tu ne l'as pas voulu. Lakini haukutaki. Voici votre maison sera, vous sera laissée déserte. Tazama nyumba yako itabakia jangwa. Quand je vous l'ai dit. Wani nawambia. Vous ne me verrez plus désormais. Mutaniona tena. Jusqu'à ce que vous disiez. Kufika na pale mutasema. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Abarikiwe ule anakuja mujina la Bwana. Jésus leur a dit ouvertement. Yesu alibaambia waziwazi. Je vous l'ai dit. Nawambia. Je ne mens pas. Mimi silongofi hapa. Je vous dis la vérité. Niambia ukweli. Vous ne me verrez plus. Amutaniona tena kamwe. C'est vrai. Ni kweli. Depuis qu'ils l'ont rejeté. Tangia ile siku alimkata. Jusqu'à ce soir. Kufika na mangaribi ya leo. Israël n'a pas vu Jésus. Israël asi amuona Yesu. Depuis qu'il avait rejeté. Tangia walimtupa. Jusqu'à ce moment où je vous parle. Kufika na mwi wakati niku na miambia. Ils sont en deuil. Beko katika kilio. Ils disent. Weko nasema. Quand est-ce que le Messie viendra? Mais il est venu, ils l'ont rejeté dans leur incrédulité. Frère, quand Dieu vous ouvre une porte de grâce, entrez par cette voie-là, vous serez sauvés et vous serez en paix. Quand vous rejetez la grâce de Dieu, le fouet de Dieu sera derrière vous. Aujourd'hui, ils sont dans la désolation. Dans leur aveuglement, ils tuèrent leur Messie. C'est pourquoi Dieu les pardonne. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils étaient aveuglés. C'est pourquoi quand ils les tuaient, Jésus intercédait pour eux. Yesu alikuwa na waombea. Il dit Père. Alikuwa anasema Baba. Pardonne-les. Uwasamehe. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Kwani hawajue yenyewe konatenda. Ils étaient. Walikuwa. Aveuglés. Wenye kupofushwa. Afin de ne pas voir leur Messie. Ili wasimuone Masia wabo. Dans Luc 23. Muluka makumi mbili na tatu. Dans son verset 34. Mustari makumi tatu na ine. L'Écriture dit. Andiko inasema. Jésus dit. Yesu akasema. Père. Baba. Pardonne-les. Wasame. Car ils ne savent ce qu'ils font. Kwani hawajue yenye wanalotenda. Ils se partagèrent ce vêtement. Waligawanyana mavazi zake. En tirant au sort. Mukupika kura. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. L'aveuglement n'est pas une bonne chose. Upofushwa haina kitu mzuri. Tu peux refuser une bonne chose. Unaweza kukataa kitu kizuri. À cause de l'aveuglement. Kwa ajili ya kupofushwa. Mais comme Daniel. Sawa Danieli. Avait prophétisé. Vile alitabiri. Ou comme l'ange Gabriel. Sawa vile malaika Gabrieli. Dit à Daniel. Alimwambia ka Danieli. Dans Daniel au chapitre 9 verset 26. Mon Danieli 9 makumi mbili na sita. Ils étaient en train de réclamer le sang de leur Messie. Malikuwa naomba damu de leur sauveur. Mukozi wabo ibangukie. Car Dieu. Kwani Mungu. Avait déjà dit. Alikuwa nesha sema. Que leur oint serait retranché. Ya kwamba. Non pour lui-même. Mpakaliwa wabo atatoka. Mais pour les péchés des autres. Apana juu yabo, lakini juu ya zambi ya bengine. Il fallait aussi que cette écriture. Ilipashe hii andiko. S'accomplisse. Ipate kutimilika. Daniel avait déjà annoncé. Daniel alikuwa nesha tangaza. Que le oint sera retranché. Ya kwamba mupakaliwa atauawa. Non pas pour lui-même. Apana juu yake yeye mwenyewe. Mais pour les autres. Lakini juu ya batu bengine. Regardez, quand le oint sera retranché. Tazameni wakati mupakaliwa atakufa. Il n'aura pas de successeur. Hakutakuwa wa kumkombola. C'est pourquoi Jésus dit. Ndio kwa maana Yesu anasema. Vous ne me verrez plus désormais. Hamutaniona tena tangia leo. Il n'a pas dit. Vous ne me verrez plus jamais. Hamutanionaka kamwe. Apana. Parce qu'il savait qu'il est rejeté à cause de leur aveuglement. Mais je les pardonnerai aussi. Seigneur, pardonne-les. Laisse ce qu'ils font. Ile wanafanya. Parce qu'ils ne savent pas. Le temps viendra où ils me reconnaîtront. Alors je pardonnerai leurs péchés. Le Messie. Masia. Comme Daniel l'avait annoncé. Vile Daniel alitangaza. Devait être retranché pour les autres. Alipashi kuwa c'est même ce que Esaïe avait annoncé. Jokile Isaïe alitangazaka. Esaïe 53. Isaïe makumi tano na tatu. Esaïe 53. Isaïe sura avait déjà annoncé cela. Makumi tano na tatu alikuwa nesha tangulia. Oui, bien mes frères et sœurs. Dio nduku na dada mpendwa. Dans son verset 8, verset B. Mustari ya munani kipande la Bible dit, tu peux même le lire tout, il a été enlevé par l'angoisse bali munyanyua kupitia ma et le châtiment na mapiko et par ceux de sa génération qui a cru na katikati ya baki zazi yake qu'il était retranché de la terre des vivants bali mutosha et frappé pour le peuple et pour le péché de mon peuple. Na walimpiga kwa ajili ya zambi ya taifa yangu. Oui bien mes frères. Ndio nduku mpendwa. Ce n'était pas pour ses péchés. Haikuwa juu ya zambi zake. Non frère. Hapana nduku. Quand vous lisez le verset 12. Ukisoma mstari wa 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Je commande en temps partie à ses mouillages. Il partagera les butins avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Kwani alijitoa yeye mwenyewe. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Habari muhesabia muwingi ya watenda maovu. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Kwani alichukua dhambi ya watu wengi. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Na aliombea benye kwa nakosa. Quand on le tuait. Wakati balikuwa na muua. Il intercédait. Yeye alikuwa na ombea. Il savait. Kwani alijua. Que c'était par aveuglement. Kwa kupitia upofu. Ils l'ont rejeté. Ndio walimkataa. Ils l'ont tué. Ndio walimuua. Et dans leur aveuglement. Ils ont réclamé son sang. Balilomba damu yake kwa yule yabo. Il est riche en miséricorde. Yeye ni mtajiri mrema. Seigneur, pardonne-les. Wana wasame. C'est pourquoi même pour nous, Jokomanata kwetu la Bible sisi, dit, Biblia nasema, Dieu sans tenir compte Mungu bila kuangalia, du temps d'ignorance, wakati ya kukosa kujua, appelle maintenant tout homme, hata anaita watu wote, qu'il a à se repentir, bapate kutubu. Oui bien aimé frère, Dieu ndugu mpendwa, tous les péchés, madhambi zote, que tu as commis, ile ulitenda, dans l'incrédulité, kutokuamini, avant la foi, ile kuamini, tu as la grâce d'être pardonné, una neema ya le sang de Jésus Christ, damu ya Yesu Kristo, te pardonne, inakusamehe, quand tu te repens, ton péché est pardonné. Yako na il est justifié. C'est-à-dire, jeté dans la mer de l'oubli. Et le Seigneur ne s'en souvient pas. Na Mungu même si tu as tué ataka mwana, mille personnes, watu elfu, dans l'ignorance, c'est vrai. Mkweli, Dieu te pardonne. Mungu anakusamehe. Dans l'ignorance. Ni mkutokujua. Mais pas dans la connaissance. Apana kisha we kujua. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Ils l'ont rejeté. Bari mukata. Et pourtant il mourait pour eux. Japo alikuwa na wafuia. Il était un sacrifice expiatoire pour eux. Alikuwa kuani wa kondoa. Ils ne l'ont pas vu. Abakumone. Dans Jean au chapitre 1. Mu Yohane sura. Dans le verset 11. Mstari wa 11. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Nabake abakumpoke. Oui, bien aimé frère. Ndio nduku mpendwa. Et comme il ne savait pas. Sawa vile abakujue. Et comme il ne le savait pas. D'abord avec le monde. Dieu vient maintenant. Mungu anakuja sasa. Pour finir. Dieu kumaliza. Pour mettre fin. Kusimamisha. À leur péché d'incrédulité. Kumaliza zambi yabo ya kutokuwa. À leur rejet. Na kukatala kwabo kwa masia wabo. C'est pourquoi il vient. Dieu kwa maana iko nakuja. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Il reviendra pour eux. Atakuja juu ya bobo. Après l'enlèvement de l'épouse. Kisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi. Là au milieu. Pale pakati kati. De la 70e semaine de Daniel. Nya ile juma ya makumi saba ya Danieli. Sur la montagne de Sion. Kwa mulima ya Sayuni. C'est là. Jo pale, il descendra. Atashikia. Et là. Na pale. Ils le reconnaîtront. Batamutambua, batamutambua. Et là. Pale, leur péché Zambiabu, sera arrêté. Bataimaliza, leur incrédulité kutokuamini kwabo sera itamalizika. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Bia kweli dada. Comme ils ont agi vile valitenda dans l'aveuglement, mumu pofusho, je les pardonne. Mungu anabasamehe. Mais ils ont quand même dû subir cela. Alakini, ils ont dû subir le fouet. Bali pata fimbo. Quand vous lisez Esaïe 6, mukisoma Isaya sura ya sita, à partir du verset 9, kwanzia musari ya allez jusqu'au verset 13, kufika na kumi na tatu, il dit alors va, il dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Muta vous verrez et vous ne saisirez point. Mutaona, muta rends insensible le cœur de ce peuple. Ufanye mioyo ya hawa watu ikose kushituka. Angusi oreilles. Ufanye masikio yao kuwa mazito. Bouche les yeux. Wapofiche macho. Afin qu'ils ne voient point de ses yeux. Wasione tena na macho zao. Et n'entendent point de ses oreilles. Na wasisikie tena na masikio zao. Ne comprennent point de leur cœur. Wasielewe tena na moyo zao. Ne se convertissent point. Wasibadirike. Et ne soient pas guéris. Na wasipone wasitunzwe. Jusqu'à quand Seigneur? Nikasema kufika na wakati gani Bwana? Jusqu'à quand Seigneur? Kufika na wakati gani Bwana? Il continue avoir un cœur endurci. Matendelea kuwa na moyo mgumu. Ils auront les yeux fermés. Na macho yenye kufunika. Les oreilles bouchées pour ne pas voir. Masikio yenye kufungwa. Jusqu'à quand ils refuseront de se convertir. Watakatala kugeuka. Mais jusqu'à quand Seigneur? Kufika wakati gani Bwana? Et il répondit. Na akajibu. Jusqu'à ce que les villes soient dévastées. Kufika na pale muji itapomolewa. Et privé d'habitants. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons. Et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes. Et que le pays devienne un immense désert. Les versets 11 et les versets 12, c'est s'est accompli avec le général Titus. C'est lui qui est entré après le rejet du Messie. Il a détruit le temple. Israël a été dispersé. Israël a dit zambalala. Mais regardez le verset 13. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Vous savez, vous savez ce que signifie cette écriture? La proie des flammes, ce sont les attentats des Palestiniens que redoute Israël. Mais, comme les térubins et les chênes conservent leur tronc quand ils seront abattus. Alakini sawa vile tabirante na mashane inachunga miti yao nao watakatwa. Conserve leur tronc quand ils seront abattus. Vile miti inachaka vishiki. Kama wanakata muchi ile kishiki na wakiaka na mizizi yayo. Sawa vile wanakata michi ile vishiki na wakiaka na mizizi. Une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Manake, uzao takatifu itazalika kutoka itaifa. C'est le peuple d'Israël. Injo taifa ya Israël. Qui retourne dans leur pays. Ile narudia mwinchi yabo. Cette sainte postérité. Ile uzao takatifu. Ce sont les 144,000. Vale wa 144,000. Quand on les a dispersés, wakati, on les a tués. Bali wasambalisha na kubaua. Munaona. Comme il y avait encore la vie. Kama vile kulikuwa ungariki bushima. Dans les racines. Mumizizi. Vous voyez. Munaona. La vie s'est cachée. Bujima burifuchama. Contre la colère de Dieu. Ogopa kasirani ya Mungu. Attendant que le temps de la sécheresse passe pour que l'été vienne. C'est pourquoi à partir de 1948, l'été est arrivé pour Israël. Maintenant, les figuiers commencent à bourgeonner. Muti kanza kuchipuka. Vous voyez? Munaona? Le feuille a commencé à bourgeonner. Mayani kanza kuchipuka. Et maintenant il est en train de croître. Asa inaanza komana. Wanakomana namna gani? Tous les chiffres du monde entier. Wayuda bote wa ulimwengu mzima. Retourne à Jérusalem. Wanarudia Yerusalemu. Pour attendre le Messie. Jua kumchunga Masia wabo. Voyez. Munaona? Mais quand il viendra, wakati atakuja, il y a huko une sainte postérité. Huko ni uzao takatifu. Qui n'est pas autre aina ingine que les 144,000. Ipokuwa wale wa 144,000. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Mais aujourd'hui, ils ont des attentats. Leo hii beko pako mavita. Ils reviennent pour être la proie des flammes. Banarudia juu wapate kwa chakula ya kupikwa na moto. Les Palestiniens lancent des roquettes sur Israël. Les Palestiniens wana batumia mabombe. Il y a des attentats sur Israël. Kila wakati bana washambulia. C'est vrai. Ni kweli. Mais ils tiennent bon. Alakini Israël tient bon. Israël anasimama imara. Pourquoi? Jua nini? Il est rentré. Jua narudia. Pour voir le Messie. Jua kuona Masia. Afin qu'il arrête son péché d'incrédulité. Ili apate kusimamisha zambi yako ya kutokuamini. Na asimamishe kufunja kwao kwa sheria. C'est vrai, frère. Ndio kweli nduku. C'est pourquoi? Ndio kwa maana. Il y a une belle histoire. Kuko hadithi nzuri. Dans l'Ancien Testament. Mwagano la kale. Joseph. Yusufu est le vrai type yeye ndio picha ya kweli de notre Seigneur Jésus-Christ. Ya Bwana wetu Yesu Kristo. Dans le Nouveau Testament. Mu agano jipya. Nous n'avons pas de temps, il me reste 10 minutes. Hatuna na wakati kuna wakati dakika 10. Prenez seulement, allez lire cette belle histoire. Mwende musome tu ya disi nzuri. Dans Genèse chapitre 37. Mu mwanjo sura 37. 39. 39. 41. Vous pouvez aller du chapitre 37 jusqu'au chapitre 47. Lisez ce chapitre-là. Vous serez très édifié. Mutasoma hii masura yote mutajengwa. Joseph. Yusuf était le véritable type de Christ. Alikuwa ni picha ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Joseph. Yusuf fut aimé alipendwa de son père na baba yake alakini bari mchukia de ses frères wa banduku yake. Joseph Yusufu fut rejeté, vendu par ses frères bari mkata na kumuzisha kwa banduku zake alakini il fut reçu et protégé alipokewa na kuchungwa par Dieu na Mungu et élevé na kunyanyuliwa dans la gloire mutukufu chez Pharaon kwa ule Pharaoni. Vous voyez, unaona, personne hakuna mutu ne pouvait voir Pharaon hakuwezi kondana na mfalme bila rusa de Joseph. Ya Yusufu. Joseph Yusufu était un fils spirituel. Alikuwa mwana wa kiroho. Mais ses frères. Alakini banduku yake. Étaient des hommes charnels. Alikuwa batu ya kimwili. Et aveugles. Na bipofu. Vous voyez. Unaona? Joseph avait des visions. Yusuf alikuwa na maono. Il était un homme saint. Alikuwa mtu mtakatifu. Quand leur frère. Wakati banduku yake. Avait des mauvais propos. Alikuwa na misemo mbaya. Il les rapportait à son père. Alikuwa anamwambia hiyo baba yake. Vous voyez. Mnaona? Il menait une vie sanctifiée. Alikuwa anaishi maisha takatifu. Il ne voyait pas ses frères. Uwezi kuona banduku yake. Une vie de fille et de juge. Uishi maisha ya buchafu. Une vie de péché comme les autres. Maisha ya zambi sa watu wengine. Mais ils l'ont haï. Alakini walimchukia. À cause de ses péchés. À cause de ses visions. Wajili ya maono yake. Dans leur aveuglement. Mupofusho yabo. Wakati alikuwa naona maono na mandoto. Il disait, est-ce que c'est toi qui domineras chez nous? Alikuwa anawaambia, eti ni wenjo utatutawala. Oui. Ndio. Dieu avait arrêté. Mungu alisimamisha. Que c'est Joseph. Alichukua mpango. Ya kwamba ni Yusuf atawatawala. Ni kukosa kuona kwamba. Ils n'ont pas compris les visions. Na wakuelewe maono. Et les songes de Joseph. Na mandoto ya Yusufu. Des visions et des songes qui parlaient de leur histoire, l'histoire des enfants de Jacob, ils l'ont haï. Bo, bali mchukia. C'est vrai. Ni kweli. Comme on a haï Christ. Paka vile bali mchukia Kristo. Leur Messie. Masia wabo. Un homme spirituel. Mutu wa kiroho. Leur Sauveur. Mokozi wabo. Joseph aussi. Yusufu naye. Était leur Sauveur. Alikuwa ni mokozi mais wabo. Mais ils l'ont rejeté. Alakini bali mkataa. Oui, bien mes frères. Unaona ntuku mpeni. Oui, bien mes sœurs. Unaona dada mpeni. Dans leur grande souffrance. Mumateso yabo munene. C'est le même homme qu'ils avaient rejeté. Ni mutu moja moja wale bali katana. Qui les protégea. Dieu alivalinda. Et qui les raccorda la paix. Na alivapatia salama. Pourquoi? Ya nini? Il n'était pas rancunier. Kwani yeye asikuwa mtu wa kuchungiana kisasi. Il n'y a pas de rancune. Ndani ya Kristo hamuna kuchungiana kisasi. Il n'y a pas de rancune. Ndani ya Mkristo hakuna kuchungiana kisasi. Mkristo. Est rempli d'amour. Anayana na mapendo. Et de pardon. Na msamaha. Père, pardonne-les. Baba ubasame. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Kwani awajue inyo wanatenda. Oui bien mes frères. Ndio ntuku mpendwa. Oui bien mes sœurs. Ndio dada mpendwa. Quand ses frères. Wakati banduku zake. Sont allés pour la première fois en Egypte. Walienda mara ya kwanza au Misri. Joseph les avait reconnus. Yusuf aliwatambua. Il a dit ce sont mes frères. Alisema hawa ni wanduku zangu. Mais. Lakini wao. Ils n'avaient pas reconnu. Hawakumtambue. Pourquoi? Juu ya nini? Il leur parlait. Alikuwa anawaambia. Dans la langue égyptienne. Muluga ya kimisri. Vous voyez. Munaona. Quand Jésus-Christ est venu. Wakati Yesu Kristo alikuja. Lui les a reconnus. Yeye aliwatambua. Comme ses frères. Sawa wa ndugu zake. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Wayuda wakumtambue. Pourquoi? Ya nini? Parce qu'il leur parlait. Ndio alikuwa anawaambia. En parabole. Mfumbo. Vous voyez. Munaona. Pourquoi les leur parlait en parabole? Ya nini alikuwa anawaambia mfumbo? Vous voyez. Munaona. Je leur parle en parabole. Alikuwa anawaambia mfumbo. Ni juu. N'entendez pas. Ni juu asisikie. Mais à vous. Alakini kwenu mwenye. Il vous a été donné. Ilimipewa. De comprendre. Mpate kuelewa. Le mystère du royaume. Matiri ya ufalme. Ndio kwa maana bateule. Alikuwa anakokota pembeni na kumuuliza. Kumuuliza maulizo. Yeye alikuwa anajibia. Bateule. Kwa Bayuda. Kwa Bayuda kukuwa ni fumbo bateule kukuwa fumbo. Yusuf aliwaambia. Kupitia mutafsili. Hawakumtambue. Ils sont allés. Balienda. Et Joseph a su Yusufu alijua que derrière lui ya kwamba nyuma yabo ya un enfant qui est né ya nyuma yake kulikuwa mtoto mwingine ule alizalika ule mtoto ule et l'unique de sa mère peke yake mtumbo ya mama yake kwani mkubwa yake mtumbo wa mama yake alikuwa anesha muua ule alikuwa anasema alikuwa anesha kufa alikuwa ni yeye Yusufu ule alikuwa mbele yabo macho yabo ilipofushwa hawakumuone ni kweli nduku ni kweli dada. C'est pourquoi cette fois-ci. Je commande ça, ça y est. Quand il reviendra. Wakati atarudi mara. Quand ils l'ont tué. Wakati walimuua. Il a tourné ses regards. Aliwatupia mkongo. Na kuangalia mataifa. Sawa Yusuf. Quand ils l'ont haï. Wakati walimchukia. Ils l'ont vendu. Walimuuzisha. Munao. Ils l'ont vendu. Walimuuzisha. Les Madianites l'ont amené en Égypte. Ba Madiani wakampeleka Misri na mule mwabo. Aliendelea. Parce que c'était un enfant de la prospérité. Wani alikuwa ni mtoto wa kustawi wa maendeleo. Il a épousé une femme égyptienne. Qui n'était pas de leur famille. Ula siko wa jamaa yabo. C'est vrai. Quand Jésus fut rejeté. Wakati Yesu walimkataa. Il a tourné le regard vers les nations. Aliangalia macho yake wa mataifa. Pour prendre une épouse. Ya kuchukua mbibi harusi. Voyez moi. Voyez na mie. Voyez pe bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Et après cela. Na kisha ile. Il est allé au ciel. Alienda kumbingu. Pendant qu'il est au ciel. Wakati yako kumbingu. Un enfant comme Joseph pendant qu'il est de l'autre côté wakati de l'Égypte derrière lui nyuma yake, dans sa propre famille jama yake mwenyewe, il y a un Benjamin qui est né huku Benjamin le ula nazalika wa mwisho vous voyez unaona, pendant que Jésus est au ciel wakati Yesu yuko mbinguni derrière lui sur la terre nyuma yake pa dunia, les 144,000 ya moja makumi na ile wa elfu wakatalika wa Benjamina vous voyez unaona, les 144,000 vale va mia moja makumine aile ba elfu ni ba Benjamin vale wa nzalika kisha Yesu Kristo kikataliwa na kunyanyuliwa kwenda kumbingu ni kweli. Sasa wakati atarudi kwa ajili ya mapendo ile anampenda Benjamin le même le cœur de Joseph. Ata moyo wa Yusufu. Brille pour voir. Uko na ugua jua kuona. Aone Benjamin na mdogo. Ule alizalika kisha yeye. Oh c'est merveilleux. Oh ni ya thamani. Même Jésus brille. Ata Yesu anaugua. C'est vrai. Ni kweli. C'est un bon type. Hii ni picha mzuri. Quand vous lisez. Mukisoma. Dans la Genèse. Mwanzo. 44. Sura makumi ine na ine ya mwanzo. Mustari ya makumi mbili na saba. C'est Benjamin. Ni u Benjamina. Qui est le type de 144. Jo picha wa mia moja makumi ine na ine ya elfu ya mabaki ya Wayuda. Ce nouveau groupe de Juifs. I kundi mupia ya Wayuda. Véritablement authentique. Bakweli wale wakumwanjo. Qui sont en train de se rassembler. Wale wanajikusanisha. Aujourd'hui. Muisraeli leo. Pour attendre le Messie. Ya kumuchunga Masia. C'est parmi ces groupes là. Katikati ya ile kundi ya wale watu. Qui a les 144,000. Jo muko wale ba. Mia moja makumi ine ya elfu ya ba. C'est vrai. Wayuda. Ce nouveau groupe. Ikundi mupia. Pas le groupe qu'il avait tué. Apane ile kundi ya wale walimuuaka. Ils sont déjà morts. Wale wote waisha kufa. Maintenant il y a un nouveau groupe. Sasa kuna kwa kundi mupia. Qui est né après. Ile inazalika kisha. Qui est né après 1948. Ile inazalika kisha 1948. Qui rentre maintenant. Sasa njoo inarudia. Mu Yerusalema. Pour attendre. Ya kuchunga. Le Messie. Ongoja Masia wabo. Voyez. Munaona. Que leur grand frère. Ule bakubwa yake. Avait rejeté. Bali mukatala. Que leur grand frère. Ule bakubwa yake. Bali muzisha. Que leur grand frère. Bakubwa yake. Bali uwaka. Mais Benjamin n'était pas là. Benjamin a yeye asikuwa keko. Les 144,000 n'étaient pas là. Baba 144,000 abakuya keko. C'est vrai. Ni kweli. Étant venu pour la première fois. Sawa vile wanafika mara yabo ya kwanza. Ne l'ont pas reconnu comme Joseph. Bon, allez lire cette histoire. C'est joli, hein. Il faut rester sur cette histoire-là, je ne veux pas terminer. Kama tukibakia tu paia dit ça pour prendre beaucoup de temps. Ni tanichugua muda mrefu. Ils n'ont pas reconnu. Hawakumtambue. Mais alakini ils reconnaîtront. Batamtambua bote. À la seconde venue. Mukuja kwake kwa pili. Comme Zacharie le montre. Paka vile Zakaria anaionesha. C'est alors. Pale njo kisha. Que Jésus-Christ. Jo Yesu Kristo. Mettra fin. Atamaliza. À leur incrédulité. Kutokuamini kwabo. Donne-moi quelques minutes. Munipatie kwa dakika kidogo. Que je termine cela. Nipate kumaliza iwazo. Oui, c'est Zacharie 12. Zakaria 10 na Vous pouvez commencer au verset 1. Je n'ai plus le temps. Verset 1. Mstari ya kwanza. Jusqu'au verset 14. Ufika na mstari ya kumi na. C'est vrai. Ni kweli. Lisez tout cela. Nous sommes yote. Vous allez voir. Mutaona. Quand vous prenez le verset 10, mukichukua mstari ya 10, ici, ils se repentent. Hapa beko na tubu. Voyez, mnaona. Ils vont se lamenter. Batalia na kulia. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, verset 10. Mstari ya 10. Un esprit de grâce et de supplication. Roho ya rehema na ya kuomboleza. Et ils tourneront les regards vers moi, macho yabo qui les ont versés. Ils pleureront sur lui comme l'on pleure sur le fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme l'on pleure sur le premier-né. C'est ici où Israël reconnaîtra le Messie, atatambua Masia wake, et Christ na Kristo mettra fin atamaliza à leur incrédulité. Kutokuamini kwabo. Dans Ézéchiel. Mu Ézéchiel. C'est vrai. Ni kweli. Ézéchiel 39. Ézéchiel makumi tatu na tisa. Il mettra fin atamaliza à leur incrédulité. Kutokuamini kwabo. Ils le reconnaîtront cette fois-ci. Batamutambua sasa hivi. C'est ça l'objectif. Injo kifukuzio. Dans le verset 25 à 29. Makumi mbili na tano, makumi mbili na tisa. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Joko mana hivi wa milele wa majeshi anasema. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel le Seigneur l'Éternel. Joko mana hivi. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. Sasa hivi tarudisha bafungwa. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Nashikiria buluma nyumba yote ya Israeli. Et je serai jaloux de mon saint nom. Itakuwa na buiba kwa mtakatifu. Ils oublieront leur opprobre. Matasabu nyonge yabo. Toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. Ma kukosa kuamini kote yule wa tenda mbele yangu. Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays. Wakati walikuwa naishi mwisho yao na ukingo. Et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leur ennemi, je les sanctifierai par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu. Qui les a amenés captifs parmi les nations. Et qui les ressortent dans leur pays. Je laisserai chez eux aucun d'eux. Et je ne leur cacherai plus ma face. Car je répandrai mon esprit. Sipunguza roho yangu yulu ya nyumba ya Israeli. Ili Bwana anasema wa milele. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Quand ils reconnaîtront. Kwani watatambua. Ils naîtront de nouveau. Watazalika mara ya pili. Et na, ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Watapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est vrai. Ni kweli. Dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Dans son verset 21. Mstari makumi mbili na verset 24. Kufika na makumi mbili na ine. Et tu leur diras. Na utawaambia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Hivi Bwana wa milele anasema. Voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Tazama tachukua watoto wa Israeli katikati ya mataifa yote walioenda. Je les rassemblerai de toutes parts. Na wakusanisha toka pande zote. Je les ramènerai dans leur pays. Na tawarudisha mwinchi yabo. Je ferai d'eux une seule nation. Na wafanya kuwa taifa moja mwinchi. Dans les montagnes d'Israël. Milima ya Israeli. Ils auront tous un même roi. Bote watakuwa na mfalme mmoja tu. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne persécuteront plus par les idoles, par leur abomination et par toutes les transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai le Dieu. Nami takuwa Mungu wabo. Et mon serviteur David. Na mtumishi wangu Daudi. Sera le roi. Atakuwa mfalme wao. Et dans le millénium. Mutawala wa milele. Ils auront tous un seul berger. Bote batakuwa na mchungaji mmoja. Ils suivront mes ordonnances. Watafuata maagizo yangu. Ils observeront mes lois. Watashika masheria yangu. Et les mettront en pratique. Na bataitumikia. C'est vrai. Ni kweli. Quelle belle promesse. Malako kani mazuri. Pour Israël. Kwa ajili ya Israeli. Bien mes frères. Bapendo banduku. C'est là que leur péché. Jo pale zambi yabo va cesser. Ita malizika. Quand ils reconnaîtront. Wakati le watamtambua. Ils se repentiront. Na watatubu. Dieu les pardonnera. Mungu atawasamehe. Ils naîtront de nouveau. Batazalike mara ya pili. Ils recevront le Saint-Esprit. Batapokea Roho Mtakatifu. Et ça sera fini pour eux. Itakuwa mwisho kwabo. Ils ne seront plus incrédules. Abatakuwa tena bakutokuamini. Maintenant pour terminer. Sasa juu ya kumaliza. Une question peut se lever dans votre cœur. Ulize moyo mnaweza kujiuliza mmoyo. De savoir. Ya kujua. Pourquoi Dieu? Dieu a nini Mungu? Pourquoi Israël? Dieu a nini Israeli? Pourquoi Israël? Dieu a nini Israeli? Qui avait rejeté le Messie? Ulani mkatala Masia. Nous le voyons encore. Tunamuona tena. Que Dieu tient à tout prix. Mungu anashika tu. À les sauver. Apate paka kubaokola. Une fois de plus. Mara tena. Alors qu'ils sont enfants rebelles. Japo ni batoto batombozi. Et Dieu. Na Mungu. Fera-t-il la même chose aujourd'hui? Et anaweza kutufanyia na sisi hivyo hivyo. Pour toute personne de nation. Kwa mtu wote wa mataifa. Ou toute dénomination qui le rejette. Mtu wote wa zebu la nakatana. Comme il fait avec Israël. Bila nafanya na Israeli. Avez-vous compris la question? Et munaelewa ulizo. Pourquoi Israël? Dieu a nini Israeli ye? Qui avait rejeté son propre Messie. Masia wake mwenyewe na kumuua. Il a transgressé, il a péché. Arifunja, sheria na kutenda nous, nous le voyons ici. Tunaiona hapa. Dieu tient à tout prix. Mungu paka tu anashika. À les sauver encore une fois de ya plus. Ya kumokona mara ya pili. Alors que ce sont les enfants rebelles. Japo ni batoto batombozi. Si Dieu fait cela avec Israël. Kama Mungu alifanya vile na Israël. Le fera-t-il avec nous aussi? Eti anaweza kutufania na sisi vile. Nous les gens de nation. Si bantu wa mataifa. Et avec les dénominations. Na mamazebu. La réponse est non. Jibu ni ya kwamba apana Mungu asitafanya vile na sisi. La réponse est non. Jibu ni ya kwamba apana Mungu hawezi kutufania sisi vile alifanya Israël. Ne soyez jamais séduits. Musitongoziwe kamwe. Ne pensez jamais que. Musiwazie kamwe si ya kwamba. Si aujourd'hui je pêche. Kama leo binatenda zambi. Le Seigneur va me pardonner. Bwana Mungu atendelea. Et je suis un élu. Tunurumia ni kumteule. Et je ne perdra pas. Mteule hawezi kupotea. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Jina langu vanesho ya mjika mkitabu wa mwana kondoo ya uzima. Tu seras perdu. Non, mon frère. Apana nduku yangu. Il y a une très grande différence entre Israël et les nations. Katikati yetu sisi wa mataifa na Israeli. Pour ce qui est d'Israël. Walenye kuelekea Israeli. Dieu lui-même. Mungu ye mwenyewe. Est responsable. Eko na ile bushito. De son aveuglement. Ya kumupofusha. C'est Dieu qui les a ni qui Mungu les a aveuglés. Mungu njwari bapofusha bakose kuona. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu ye mwenyewe. Il a aveuglé Israël volontairement. Ali mupofusha Israël kwa kusudi. Dans le but de nous faire nous faveur. Mukusudi mukifunzia kupatia basi. Ili apate kuingisha watu wa mataifa mumafu yake. Mungu atamurudiria Israël. Parce que c'est lui-même seul le Dieu qui les a aveuglés. Parce qu'il voulait te faire faveur. Wani alipenda akufanyie kwa faida, anifanyie na mimi faida. Voilà pourquoi. Je comprends. Il revient encore. Atarudia tena. Kwa Israeli. Mnaona. Pour le pardonner. Awasamee, awahurumie. Mnaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Mnaona dada mpendwa. Quand nous prenons Esaïe. Tukichukua Isaya. Je vous prends du temps pour que je termine la pensée. Na michugua wakati juu nimalize iwazo. Vous me pardonnerez. Mutanihurumia juu ya ile. Esaïe 6. Isaya sura 6. Esaïe 6. Isaya sura 6. Le verset 9 et 10. Mustari ya 9 na prenons le verset 10. Tuchugue mustari ya 10. L'encensé rend insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles. Ufanye Moyo yabo ikuwe mgumu wa hii taifa. Na masikio yabo ikose kusikiliza na macho yabo ikose kuona. Juu mkuangalia wasione na macho yabo na mkusikia wasielewe. Dieu a Israël Mungu. Parce que Dieu est responsable de leur aveuglement. Mungu anamurudiria Israeli kwani Mungu ye mwenyewe ndio alimpofusha macho. Mais contrairement à Israël. Kinyume na Israeli. Nous les nations aujourd'hui. Sisi watu wa mataifa leo. Ce n'est pas Dieu qui nous aveugle. Aina kosa ya Mungu pale tunakuwa vipofu. Non mon frère. Hapana ndugu mpendwa. Lakini vous êtes vous-même. Mwe wenyewe. Kwa kusudi yenu mnakuwa vipofu. En ce qui concerne la vérité. Kwa nyenye kuelekea ukweli. Vous voyez. Mnaona? C'est vous-même. Ni mwe wenyewe mnajifanya kwa vipofu. Les autres parmi nous, bengine katikati, ayant connu la vérité, kisha wa kujua ukweli, ils ont rejeté, bali katala, voyez, munaona, au profit de la chair, juu tu ya faida ya mwili, et à cause de l'orgueil, na kwa ajili ya kiburi, il y a aujourd'hui parmi les nations, katikati ya mataifa les leo, gens qui connaissent la vérité, ukubantu wenye kujua ukweli, la vérité a été présentée, bale ukweli barifundisha, à cause, kwa ajili, de leur orgueil, ya kiburi, et yabo, à cause na kwa ajili du profit de la chair ya faida ya mwili bali katala neno la Mungu kusudi. C'est pourquoi Dieu je commande à Mungu il veut pas nous pardonner aweze kutusamee. Voyez bien mes frères, unaona ndugu mpendwa, lisez deuxième Thessalonicien, msome wa Thessalonika wa pili, deuxième Thessalonicien chapitre 2 wa Thessalonika wa pili verset 10 mstari ya 10, comme ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ukweli Dieu leur envoie l'esprit d'égarement, roho ya kupotea. Romains chapitre 1 Warumi sura ya kwanza verset 19 à 20 à 21 mstari ya 19 verset 28 makumi mbili na munane. Qu'est-ce qu'il a dit? Ni nini wasema? Ayant connu Dieu comme Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Lakini hawakumtukuza sawa Mungu. Dans leur cœur insensé, moyo yao ya mujinga, ils se sont plongés dans leur folie. Mubazimu zao. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Et en plus de cela, na kisha ya ile, celui qui pêche, ula natenda zambi, selon Hébreux 12, Hébreux 10, verset 26 à 37, celui qui pêche volontairement, ula natenda zambi kwa kusudi, après avoir connu la vérité, kujua ukweli, plus de sacrifice pour lui, akuna tena sadaka ya kutoa juu yake yeye. Israël a péché, Israël alitenda zambi, en rejetant le Messie, mukumukata masia, c'était avant que le sacrifice ne soit immolé, ni mbele ya sadaka. Lakini wewe unatenda dhambi kusudi après que le sacrifice sadaka kutolewa vitu mbili yenye kuachana. Israeli a rejeté leur Messie masia wabo avant que le sacrifice mbele ya sadaka ipate kuuawa, lakini wewe unamkatala kwa kusudi. Il a rejeté, yeye alimkataa parce qu'il était aveugle avant alipofushwa avant le sacrifice mbele ya kutolewa kwa sadaka, lakini wewe unamkataa masia volontairement kwa kusudi après que le sacrifice soit offert pour toi, sadaka kutolewa juu yako wewe. Et Matthieu 12 dit quoi? Matthieu 12 anasema nini? Matthieu chapitre 12, je m'arrête pas là, nous allons continuer. Matthieu 12, il t'a simamia pale. Dans les versets 31-32, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ces siècles ni dans les siècles à venir. C'est ça le péché impardonnable. Dieu revient à Israël parce qu'il est responsable de son aveuglement. Deuxièmement, Israël a rejeté dans l'aveuglement. C'était avant le sacrifice du péché. Mais toi, tu rejettes la vérité de la parole volontairement pour les intérêts matériels, les intérêts de la chair. Dans ton orgueil, tu refuses. Voyez. Et tu le fais après la connaissance kisha ufame, et après na kisha que le sacrifice utolewa kwa sadaka zabihu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi, tutaendelea. C'est ainsi. Njoo kwa maana. Quand ils naîtront de nouveau. Wakati watazaliwa mara ya pili. Voyez, naona, à la montagne de Sion, ule kumulima Sayuni, ils les reconnaîtront. À la montagne de Sion, Sayuni, ils se repentiront. À la montagne de Sion, Sayuni, ils naîtront de nouveau. À la montagne de Sion, Sayuni, ils recevront le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, leur Messie, mettra fin à leur péché, à leur incrédulité. Kutokuamini kwabo. Sion. Tuombe. Seigneur, merci.